Deux ou trois coups de fusil à pompe, j'arrive pour rendre des comptes, mes rimes ont remplacé les bombes. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles toujours de Gova, de street et ta mère la tasse B. Écris les saisons speed, tu te la pètes sur face B. Tonton, je suis dans la place, continue de clasher dans ta pièce. T'entends après ça, je crois que même ta nièce t'appellera tata. Cherche bien tes mots, vas-y, retourne direct en classe. Va être comme ta, transforme les wacks en ectoplasme. Eh, hey, mec, je t'avertis, je m'amène être converti en flop. Si ça m'amène, check le son qui t'enveloppe. Je te noie sous l'avalanche de face, tu nages là où t'as papier. Yo, c'est moi mon chromie. Pour te faire chier, prends des notes, je t'apprends. Je rappais déjà quand tu te mettais à te branler. Les bras en l'air, je baisais ta meuf quand tu te mettais à rapper SX. Toujours à l'aise, 0-2-5, tu glitches. Prends ton les fraises, trinque avec ma 8-6. Agent SX, si ça pète, c'est forcément que je m'amène. 2 ou 3 balles dans la tête, 2 ou 3 faces la même. C'est pour mon 87, connais l'égal. SM, prends ton Kaiser et gars, m'amène. Agent SX, si ça pète, c'est forcément que je m'amène. 2 ou 3 balles dans la tête, 2 ou 3 faces la même. C'est pour mon 87, connais l'égal. SM, prends. Le rap a eu sa dose de merde et même tes potes te négligent. Avant de me tester, va faire une prière à ton église. En scène, balance mes phases et je te wette en cesse. Tu manies bien mieux la connerie que la langue française. Petit, arrête ça tout de suite. Fuck le nom de mon coup sur ton suite. Et fais péter ton dernier bullshit. Fuck les MC sans cervelle. Il faut plus marrer que les blacks sur les blondes qui au moins s'en servent elles. Donc mets ça en track one sur ton Walkman. Check ça bâtard, c'est Texoma qui fout le braquemar. Tu peux jouer les shows si t'as les Kaira dans ton équipe. Gros, mais tout ce que tu tailleras, c'est une pipe. Ça nous saoule la force, la dope que font tous les devs. Du coup, moi et mon pro, on vous coupe l'herbe sous les yeux. Encore un coupé de salopard, quoi. Si tu me cherches, je suis vulgaire, je te stresse, c'est l'ulcère, wesh, alors barre, toi. Agent SX, si ça pète, c'est forcément que je t'amène. 2 ou 3 balles dans la tête, 2 ou 3 faces la même. C'est pour mon 87, connais le légal. SM, prends ton Kaiser et gars, m'amène. Agent SX, si ça pète, c'est forcément que je t'amène. 2 ou 3 balles dans la tête, 2 ou 3 faces la même. C'est pour mon 87. Connais le local, SM prend ton Kaiser et gars m'amène. Agent SX, si ça pète, c'est forcément que je m'amène. 2 ou 3 balles dans la tête, 2 ou 3 faces la même. C'est pour mon 87, connais le local, SM prend ton Kaiser et gars m'amène. Agent SX, si ça pète, c'est forcément que je m'amène. 2 ou 3 balles dans la tête, 2 ou 3 faces la même. C'est pour mon 87, connais le local, SM prend ton Kaiser et gars m'amène.